Les pêches. Le paysan Tikhon Kouzmitch, revenant de la ville, appela ses enfants. « Regardez, mes enfants, leur dit-il, quel cadeau l'oncle Efim vous envoie ?» Les enfants accoururent, et le père ouvrit un petit paquet. « Voyez les jolies pommes !» s'écria Vanya, jeune garçon de 6 ans. « Regarde, maman, comme elles sont rouges !»« Non, ce ne sont probablement pas des pommes !» dit Sergueï, le fils aîné. « Vois leur peau, on dirait qu'elle est recouverte de duvet. »« Ce sont des pêches, » dit le père. « Vous n'avez pas encore vu de pareils fruits. » L'oncle Efim les a cultivés dans la serre, car il prétend que les pêches ne poussent que dans les pays chauds, et que chez nous, on ne peut les récolter que dans les serres. « Et qu'est-ce qu'une serre ?» demanda Volodia, le troisième fils de Tikhon. « Une serre, c'est une grande maison dont les murs et le toit sont vitrés. » « L'oncle Efim m'a expliqué qu'on l'a construit ainsi pour que le soleil puisse réchauffer les plantes. L'hiver, en moyen d'un poêle particulier, on maintient la température au même degré. « Voilà pour toi, femme, la plus grosse pêche, et ces quatre-là sont à vous, enfant. »« Eh bien, » demanda Tikhon le soir même, « comment trouvez-vous ces fruits ?»« Ils ont un goût si fin, si savoureux, » répondit Sergueï, « que je veux planter le noyau dans un pot. Il en poussera peut-être un arbre qui se développera dans l'isba. Tu serais peut-être un bon jardinier. Voilà maintenant que tu songes à faire pousser les arbres, » reprit le père. « Et moi, » reprit le petit Vanya, « je l'ai trouvée si bonne, la pêche, que j'ai demandé à maman la moitié de la sienne, mais le noyau, je l'ai jeté. » « Toi, tu es encore tout jeune, » dit le père. « Vanya a jeté le noyau, » dit le second fils, Vassili. « Moi, je l'ai ramassé et je l'ai cassé. Il était bien dur. Il y avait dedans une amande qui avait le goût de noix, mais plus amère. Quant à ma pêche, je l'ai vendue 10 copecs. Elle ne valait d'ailleurs pas davantage. » Tikhon hocha la tête. « C'est trop tôt pour toi de commencer à faire du commerce. Tu veux donc devenir un marchand ?»« Et toi, Volodia, tu ne dis rien ?»« Pourquoi ?» demanda Tikhon à son troisième fils qui se tenait à l'écart. « Ta pêche avait-elle bon goût ?»« Je ne sais pas, » répondit Volodia. « Comment tu ne sais pas ?» reprit le père. « Tu ne l'as donc pas mangée ?»« Je l'ai portée à Grisha, » répondit Volodia. « Il est malade. Je lui ai raconté ce que tu nous as dit à propos de ce fruit, et il ne faisait que contempler la pêche. Je la lui ai donnée, mais Grisha ne voulait pas la prendre. Alors je l'ai posée près de lui et je me suis enfuie. » Le père mit la main sur la tête de son fils et lui dit « Dieu te la rendra. »